émission, une seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveau son en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Dinos. Passez une bonne soirée et bienvenue pour le Planète Rap consacré à Dinos Punchlinovic avec nous pour cette dernière ce soir. Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Petite gorgée. Ah. Petite gorgée avant d'attaquer. Ouais, ça va ou quoi? Bon, ça va, tu es prêt alors? Je suis prêt, toujours prêt, négro. Prêt, bouillon? Prêt, bouillon, on va faire ce truc. On va cracher ce feu. Avec le EP Apparence qui est dans les bacs digitalement, dans les bacs qu'on peut commander. Regarde derrière, on dirait qu'il y a des gens qui vont braquer. Oula, le... Ah oui, parce qu'on a une petite caméra de surveillance au fait. Il y a un braquage. Un truc qui se... Relié avec le rez-de-chaussée. Ah frère. Et là, il y a. Frère, ils veulent me kidnapper, frère. C'est pour toi, hein, tout ça. C'est pas pour moi. Kidnapper, frère. C'est pas pour moi. Tu connais? Ouais, je connais, ouais. Qu'est-ce qui va se passer alors ce soir dans l'émission? Il y aura un freestyle avec deux négros qui n'ont pas pu être là hier. C'est Luigi et Thuré Balboa du collectif Capsule Corp. Capsule Corp. Comme les deux autres qui étaient là hier, Bibi et Farid, FSS. Et là, il y a deux négros qui viennent d'arriver, Jeezy et Kirby. Les négros qui sortent de Konoha, on sait pas d'où ils débarquent. Et voilà quoi. Bah, et ce soir, on a encore un deuxième bail, c'est que j'ai re-ramené Jazz encore. Ouais, je le ça veut vois, dire je que le vois, il y aura un freestyle, là, il est installé déjà derrière ses machines. Il y aura un freestyle en fait, il y aura un freestyle avec Jazz et un freestyle avec Richie. D'accord. Sauf que Jazz n'est pas venu tout seul, tu vois. Là, il a ramené son côté maléfique, le négro qui s'appelle Stéphane, qui sera à la basse. C'est-à-dire que Jazz va taper son truc sur machine, sans rythmique, et t'as Stéphane qui va. Bon, on rappelle juste qu'en début de semaine, voilà, il y avait Jazz qui était là, il balançait les sons. Ouais. Tu connaissais pas les sons. Hein, non, là encore, je connais encore moins. Et il y aura la basse, tous les bails, j'ai peur. Bon, et ben, on va découvrir ça en live tout à l'heure. Et pour avoir un aperçu, puisqu'on parlait de tes invités hier, on va se rappeler ce qui s'est passé hier. Court extrait du gros live qu'on a eu hier soir dans l'émission. Dédicace mes versets aux peu de gens qui me comprennent. Mes sentiments sont clandestins vu que l'amour n'a pas de frontières. Veut de l'or autour du bras, rouler en DLS. Braque la bijouterie et puis t'auras des gourmets de CRS. Des phases de guerre, je peux te calciner sur un couplet. Un crâne de pierre, je peux te lapider sur un coup de tête. Ces rappeurs en déclin veulent faire des rimes de jeunes. Les gros t'as 40 piges, tu parles encore de 10 de seum. Du rap, j'ai la gueule d'un moniteur de ski et des claques dans la gueule, j'ai appris à Veski. J'ai du rouge sur la queue dans la bouche de Nesrine. J'ai la part, j'ai la clé, je suis caché comme Esrine. J'ai la barre, pas la tête, maman, je te remercie. J'en fais trop, je me la pète juste pour te faire chier. Tu me regardes à la télé, imagine à Bercy. On t'a dit que je suis fêlé, imagine-moi si. Franchis ce que je suis capable de faire. Je me vois en haut et pas ailleurs. On soulèvera la relève, c'est écrit dans le livre d'ailleurs. Vérifie tes tirs, ça peut se retourner contre toi. Mise partout sur le rap, négro, tu finiras sans emploi. Hola Ketal, hola Ketal. Épée bleue prête pour un combat Jedi. Rien n'a changé, c'est toujours moi. Je me lève tôt tous les matins et le monde m'appartient toujours pas. Avant, j'avais des principes et des bonnes résolutions. Je prenais les blèmes à la racine et je trouvais même des solutions. Maintenant, je m'en bats les dougas. 2000 putains de carottes, je me prépare pour les sougas. C'est Dino sur Skyrock. Ouais. C'est Dinos sur Skyrock avec nous toute la semaine entre 20h et 21h. Ça, c'était hier soir dans l'émission. Aga! Et l'intégralité avec les images sont dispo sur skyrock.fm, sur leplanetrap.skyrock.com pour retrouver ce live en intégralité. Aga! Bon, tu es prêt? Je suis toujours prêt. On peut y aller? Aller à quoi? Eh ben, balancer le premier son de l'émission. Ah! Par exemple, le fameux titre. En fait, on va commencer par un morceau. Vas-y, là, c'est le dernier jour, faut que tu le dises, mec. Dis-le. Pow. Non. Bah attends. J'ai travaillé toute la semaine là-dessus. Comme ça. Pow. Pow. Pense au gros boule que tu vois dans le clip, tu vois. Attends, ça va m'inspirer. Attends, je ferme les yeux. Ferme les yeux. Et là, t'arrives. Pow. Pow. Pow. Oh, c'est, je crois que je l'ai. Allez. On balance le titre. Refais-le. Non, après. C'est extrait du EP Apparence maintenant. Vas-y. Et le clip, les images sont dispo aussi, hein. C'est arrivé hier. Hein. Avec des grosses fesses, tous les bails. @ Punchy Dinos. Merci à ceux qui nous ont foutu en TT hier soir, ceux qui partagent. Réagissez avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Dinos Pow. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormis sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Dans 6 mois, change de pays. Choix de doigts de m'ouvrir les veines. J'en ai ras-le-bol d'être un génie, chérie. Je connais des Carolines et des Charles. Hey, Henri Charlene, pas les shout-outs. Même sans bave, ne jamais passer aux aveux. Maman, je pourrais vendre des lunettes à un aveugle. Veulent me tirer les verres du nez comme si j'étais Imhotep. Négro, c'est quoi les bails, c'est quoi les hypothèques? Je me dépanne NK, nique le futur, je veux retourner dans le passé. Qu'elle soit capable sans attraper le DAS. On est la zizanie. On a de la beuh plus épaisse que les sourds, type de la dynamie. Je m'endors sur les étoiles. Toile. La charpentier, j'ai tout me faire des chèques en bois. Moi, je des chèques en bois. Négro, te fâche pas. Ce qui fait pousser ton CD quand mes enceintes mangent pas. Y'a 12 mesures de guerre. Puis en sa terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de converse. Non, mec! Rappelle pas mon frère. Sinon, je te coupe les bras, je te force à faire la quenelle. Y'a on est dedans. On est dedans. On est dedans, on est dedans. Je me sens élan, je me sens les bras. Quoi? Je me sens guélan, quoi? Je me sens les dents. Bam. Je m'endormirai sur son boule. Boule. Je m'endormirai sur son boule. Bam, bam, bam. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Bam, bam, bam. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Bam, bam, bam. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en R. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Check. Le papa d'amitié, je suis là pour faire de l'oseille. Je sers que des avions, je crache du kérosène. Rap sur un tas de merde. Parfois j'écoute mes sons et je me dis que je suis trop fort. La putain de sa mère, tous ces négros je les tue. Je ken comme un malade, je veux pas ton fun tel. Mais ton numéro de sécu, des pogs et des taspés. Mais ta meuf chérie instrumentale, tout le monde l'a kické. C'est une phase B, j'ai perdu la tête. Et c'est pas d'étrangler, t'es ridicule comme un vampire avec des dents d'lait. Dans le métro 100 000 PH, croise des groupies. Tête baissée, j'émule un coup de fil. Si je vois un contrôleur, je me transforme. Je mets une balayette en disant please my nigga between the train and the platform. A vrai dire, je la fourre à ta place. En roleplay dans la cuisine, Hakuna Matata. Faire le full over, jamais. Full over, jamais. Jamais. Si gros, je suis dans sa jugore. Pendant que tu l'attends devant le footlocker Châtelet. Footlocker Châtelet. Footlocker Châtelet. Si gros, je suis dans sa jugore. Pendant que tu l'attends devant le footlocker Châtelet. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Boule. Je m'endormirai sur son boule. Yo. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Qu'est-ce pas les. Le jour d'après, je la laisse en air. Le jour d'après, je la laisse en air. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Dieu. Je m'endormirai sur son boule. Père, père, père. Je m'endormirai sur son boule. Ah. Je m'endormirai sur son boule. Ah, ah, ah, ah. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Boule. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Dieu. Je m'endormirai sur ouais, son boule. Ouais, je m'en ça. Et le jour d'après, je la arrête de faire des bêtises à l'école. Le jour d'après, je la laisse. Dieu. Le jour d'après, je la laisse en R. Le jour d'après, je la laisse en bam, bam, bam. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Bam, bam, bam. Je m'endormirai sur son boule. Je m'endormirai sur son boule. Dieu. Dieu. Ouais, je vais tuer. C'est extrait du projet Apparence qui est digitalement dans les bacs qu'on peut commander par exemple tout ce week-end. Allez-y, vous retrouvez Dinos Punchlinovic et les images sont dispo aussi avec le clip magnifique. Exactement. Tourné dans la région marseillaise. Exactement. Mmh. C'est exactement ça. Il y a beaucoup de gens que je connais pas en fait. Et alors t'es déstabilisé, t'as un peu peur Ça va ou quoi les mecs? Ils font beaucoup de bruit en plus. Ouais, grave, grave, ils me font peur, tous les bails. On dirait des esprits, tout ça, j'ai peur. Bon, il y aura du live tout à l'heure, à pas louper par deux fois, puisque la première fois ce sera avec nos avec amis. Jazz et Steph. Jazz va faire du sale, Steph va faire du sale. Et toi, tu seras au micro pour faire aussi du sale. On va faire du beef, là pour faire du sale. Bon, comme on est vendredi, on va aussi parler avenir. Dinos, qu'est-ce qui se passe pour toi là dans les semaines à venir, dans les mois à venir? Tu t'enregistres un album? J'enregistre un nouveau truc. Un nouveau truc. C'est tout. C'est tout ? C'est tout. On peut pas en savoir plus On peut pas en savoir plus. C'est un truc qui sera très chaud. Plutôt dans le style pareil EP ou plutôt vers l'album, vers... J'en dis pas plus. D'accord. Ça sera chaud. Bon, il y a des tournées, il y a des concerts aussi prévus pour toi, Dinos? Il y aura des concerts, mais j'en dis pas plus pour l'instant. C'est... Eh ben, écoute, on est bien avancé, je te remercie. il y aura des clips qui vont arriver pour clôturer le projet. Vous pouvez toujours me suivre sur mes réseaux sociaux. @punchydinos, PUNCHYDINOS. Sur Facebook, Dinos Punchlinovic. Je vais pas épeler Punchlinovic parce que c'est pas possible. Et voilà quoi. Clip Pauk sorti hier. Ouais. Et voilà quoi. Et bah allez-y, allez cliquer, allez retrouver Dinos. Et ce soir avec nous, avec du live tout à l'heure, à pas louper. Avec du vrai live. Avec du vrai live. Tu connais pas les instruments encore ou t'as bossé non. un peu? Non, je connais pas. Non, mais je connais pas les prods. C'est ça le vrai problème. Parce que ça, c'est le challenge. On l'a fait un peu cette semaine. Tu connaissais pas les prods, tu t'en es bien tiré. Ah, C'était lundi. Je revenais de loin, ouais. Mmh. Je revenais de loin, ouais. Donc ce soir, tu réitères. Je réitère. Mais ça veut dire que si tu te plantes ce soir, t'es dans la merde, hein. Parce que tu veux pas revenir demain. Arrête de faire des trucs comme ça. T'as intérêt d'être bon, je te mets la pression, c'est tout. Eh les mecs, y'a pas un truc que je connais que vous pouvez mettre? Ah, tu veux tester dès maintenant là, t'es chaud? Non, pas maintenant. Tout à l'heure, le live. Non, on va mettre un autre titre extrait du projet Apparence de Dinos. Qu'est-ce qu'on balance comme morceau? Alors, on va balancer Namek, et ensuite on va balancer Paradis Enfer, un morceau qu'on n'a pas encore balancé. Et avant de balancer, je raconterai l'histoire de ce morceau-là. Bon, celui-ci, Namek, tu veux rajouter un truc dessus ou pas? Posé sur Namek, Richie Beat, le morceau que. Premier extrait du projet, le morceau que les gens ont apprécié, qui a surpris les gens, et que nous on le kiffe ce morceau. Donc, Et ben on y va maintenant, c'est extrait du projet Apparence de Dinos Punchlinovic. Ouais. Ouais. Mesures de guerre, concurrence par terre. Négro, j'ai tout un crew en dessous de ma paire de Nike Air. Ma paire de Nike Air, j'm'almène le rap guerre. Si j'fais du skate d'or, j'rachète le grec de ma thèse. À l'aise, ma man, j'éclate les wakens. Si, ayant Renoir, j'm'appelle Jules, j'suis né par césarienne. Né par césarienne. Volant se transforme en molle tonnelle. J'passe mes vacances sur la lune Apollo 13. Où j'me bats en croisière. Hashtag Dinos sur Skyrock. Croisière au Langaros sous le casino. Où j'touche le jackpot en 3-7. Mets du son dans la benne. Mets du son dans la benne. Vide à headshot pour t'mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps et j'vais me poser sur Namek. J'm'applique qu'est-ce qui s'aide. Ma rime se disperse. J'ken le rap français. Merci Jackie et Michel. Merci Jackie et Michel. Les négros foutent les nerfs. Vous prenez pas pour Moïse. On a dit pas les mères. Et merde, je le répète pour 4-5 frères. Le savoir est une arme. J'ai un bac plus 3-5-7. J'ai le ballon comme Piccolo. Ils sont verts comme des Namek. M sur le front, je suis l'héritier du trône des Saiyens. J'ai tendu la main, j'ai fini Théodore Bagwell. Depuis, je suis comme Zidane. J'ai plus où donner de la tête. Avant de parler de rap, bien me déclare-toi là, ça c'est moi. J'suis peut-être sur detox, mais tu le sauras jamais, moi. Bang, bang, bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Dieu. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Poser sur Namek. Poser sur Namek. J'gratte mes textes à la salle du temps. Et j'vais me poser sur Namek. Namek. Poser sur Namek. Négro. Hey yo, je vais me poser sur ma mère. Tire. Hashtag Dinos sur Skyrock pour réagir. Je vois tous vos tweets. Wesh Lofad. Wesh ton nom il est trop long. Wesh Fabi Busserol. Wesh Thomas Mosby. Wesh Melina du 74. Wesh Oulalalalalala. Oulalala. Je peux pas le dire, c'est trop long. Wesh, connu. Wesh, Amel Kam. Wesh, Thomas Mosby. Wesh, moi, Arifi. Wesh, j'aime Sam's Good. Wesh, tout le monde, quoi. Wesh, Turkey Visper. Eh, vous avez des blagues chelous, les mecs, hein. Dan89. Bon Twitter. Ça, c'est trop long. C'est toi qui dis, vous avez des blagues chelous. Ouais, grave. C'est grave. Toi qui dis ça. Grave, grave. Parce que Dinos Punchlineovic. Pardon. Fallait nous le trouver, celui-ci, hein. Fallait le trouver, frère. On rappelle qu'hier, si vous n'étiez pas là, ça vient de Dinosaur, hein. Ah mais... Si, Dinos, dinosaure. Hein. C'est un manqué de tact quand tu l'as dit. Tu aurais pu le dire de manière délicate. Tu d'accord, vois. D'accord. Donc, alors, Dinos, l'étymologie de Dinos vient de tu ce célèbre animal. Tu l'attends, Dinosaurius. Dinosaurius. Dinosaure, donc voilà. C'est comme ça qu'on t'appelait. Alors, pour quelle raison ça n'a pas eu le dossier? J'attendais le dossier toute frère. La semaine, mais. Non, frère. Je n'ai pas eu de dossier. Pourquoi Dinosaure? Parce que. On fait pas tourner un Skyroulette ce soir? Ça sera tout à l'heure, on a le temps, on a le temps de donner l'explication si tu veux. Non, c'était au collège, on m'appelait comme ça parce que c'était un truc con en plus. J'avais poussé une fille, mais j'avais pas fait exprès. Mais genre, elle avait volé, mais genre, voltigé. Mais t'es pas sérieux toi, mais vraiment, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas ce que. En fait, on jouait et sans faire exprès, je l'ai vu. Ah oui. Bail d'infirmerie, tout ça. Ah non, après, ils ont dit, ouais, putain, mais il l'a poussé comme un dinosaure, wesh. Ah, ça vient de là? Et après. Bah, est-ce qu'elle va mieux surtout? Ouais, bah, je pense, j'espère. Et après, une heure plus tard, il y a un mec qui fait, ah, demain, il y a le dinosaure. Après, le lendemain, ah, il y a le dinosaure. Après, le dinosaure s'est passé à Dinos. Et tu sais, c'est le blast que t'aimes pas, en fait. Tu vois? Et au final, tout le monde t'appelle comme ça et tu dis, bon. Bah, allez, je m'y fais. Bon. Voilà quoi. Mais voilà. Et le Punchlineovic qui est arrivé par la suite ouais, aussi. Voilà. C'est trop long aussi, Punchlineovic. Voilà, par rapport au film, Neochrome, de Dragan Fulekovic. Et sans faire exprès, un jour j'ai dit Punchlineovic et j'avais complètement oublié. Et le lendemain, le mec il me fait, ouais, je dis non, Punchlineovic. Et je lui dis, ah ouais, c'est vraiment cool comme blast ça. Bah, je m'appelle comme ça. Bon, tu regrettes pas? Tu t'as pas envie de changer de. Si, j'ai eu envie de changer. C'est vrai, il y a un moment, t'as. Ouais, beaucoup de fois. Beaucoup t'avais de pensé fois. À d'autres noms, à d'autres trucs? Marc Dorcel. T'as pris, c'est con, c'est déjà. C'est con, c'était déjà pris. Ouais, non, j'ai pensé à changer. Peut-être qu'un jour, je changerai. Hein. Qui sait? Bon, sait. Si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les balancer avec le hashtag Dinos sur Skyrock. Ah ouais, Dinosaurier. Didi, il est bien passé de. Didi s'appelait Puff Didi. Ah oui. Non, Puff Didi. Puff Didi. Sean Puffy Combe. Oh là là, ça, c'était un classique. Didi, un jour, et on devait l'appeler pendant une journée, il s'appelait Swag. J'oublierai jamais. C'est vrai, ouais, pendant c'est vrai. Une journée, il s'appelait Swag. Ouais. Il est trop fort. Et là, il se rappelle encore Puff Daddy, non? Moi aussi, bah tiens. Il est trop fort, il est trop fort. Par exemple, une journée, t'aimerais qu'on t'appelle comment? Laisse-moi réfléchir. D'accord, bah t'as un petit peu de temps pour réfléchir. Il va y avoir de la pub. Et il y a. Tiens, tu connais Iggy Azalea? Ouais, je l'ai. Franchement, elle défonce. Je surkiffe. Jeune rappeuse, des années, 23 piges. Ouais, depuis des australienne, années, mannequin ouais. Aussi un peu. Hein. Pog, elle a un pog. Ah bah. Elle a là un pug. C'est le plus grand pug que j'ai jamais vu, Iggy Azalea. Bon, elle est pas dans ton clip, mais pas qui encore. Sait pas qui encore. Sait. Et bon, on va l'écouter maintenant sur Skyrock. Nouveauté Iggy Azalea, c'est dans Planète Rap. Planète Rap, c'est la famille. 20h-21h sur Skyrock. Grosse nouveauté sur Skyrock, elle s'appelle Iggy Azalea. Père. Voilà, et comme le dit si bien Dinos, elle a un de ses. Elle a un père. Voilà. Allez, mettez aussi les images pareilles d'Iggy Azalea, qu'on écoutait à l'instant sur Skyrock avec Fancy. Dinos Punchlineovic, elle est avec nous. Dans quelques minutes, il va y avoir un live. Tu ne connais pas les instrus? Non, absolument pas. Rien, ils vont être composés pratiquement en direct, en fait, même s'il y a une base. Ils ont dû le faire, mais. Non, la base, par contre, il va la faire sur place, mais le sample et la rythmique, il devait l'avoir sûrement, je pense, Jazz. Vous êtes prêts, les gars? Prêts? Prêts à lui mettre la pression ou ben? Prêt. Les négros sont toujours prêts. Et bah, c'est dans un instant à pas louper. Grosse session live avec Dinos Punchlineovic. Et puis, il y aura aussi une deuxième partie de live, deuxième partie de freestyle. Avec mes négros, Luigi et Thierry Balboa. Donc, ça, c'est ton collectif. T'as aussi un collectif hein, qui s'appelle Capsule Corp. Ouais, il y a une partie du groupe qui était là hier. Et là, c'est le reste. Vous êtes combien dedans? On est. Je sais pas. Il y en avait deux qui étaient là hier. Et là, il y en a trois. Et il doit en manquer un ou deux encore. On d'accord. Doit, 6, 7, donc, une petite dizaine. Ouais, un peu moins d'une dizaine. Ouais, on va dire ça comme et ça. Et quoi? Et l'ambition, pareil, c'est sortir un projet ensemble ou chacun va non, évoluer? On se branle trop pour faire ça, frère. On se branle trop pour trop faire compliqué. Ça. On se branle. Faut tous se réunir, ouais, c'est ouais, drôle. Non, c'est. Impossible. Ça, c'est compliqué. Bon, on passera aussi un autre titre. Tu vas en parler de ce morceau dans quelques minutes, là, en juste fait, après la pub. Je pense même pas que je vais en parler. Je vais laisser le morceau parler de lui-même. Je vais raconter les conditions dans lesquelles on l'a fait. Mais. je vais expliquer comment je l'ai écrit et puis je vais laisser le morceau parler de lui-même parce que c'est vraiment un morceau qui parle en fait. C'est un morceau qui s'appelle Paradis Enfer. Paradis Enfer, c'est sur le projet Apparence, ouais, qu'on trouve digitalement et uniquement en digital, le projet de Dinos. Exactement. Il y a, pour les chanceux, il y a des vinyles à la Fnac. Et pour les chanceux, il y en a qui ont gagné des vinyles. On va enfiler un aussi, tiens. Ouais, on va enfiler. On va enfiler un, on va poser une question dans un instant. Non, moi j'ai une question toute simple. Laisse-moi poser les questions. Ah bah tu veux poser une question, vas-y. Ok. Question pour repartir alors, avec un vinyle dédicacé, allez-y. Alors. Attends, laisse-moi réfléchir. Hein. Comment s'appelle la mère de San Gohan? Non, je déconne. Quel est le dernier clip qu'on a sorti? Ah ouais, bon alors lesquels des deux? Parce que sinon le premier c'est chichi hein. Non, le dernier clip qu'on a... Non, ça c'était de la connerie. Non, la vraie question c'est quel est le dernier clip qu'on a sorti? Celui qui est arrivé hier. Ouais, comment s'appelle-t-il? Et le clip qui est dispo, comment s'appelle-t-il? C'est simple hein. Il s'appelle... Allez, c'est parti, les bonnes réponses. 41759 avec l'hashtag Dinos sur Skyrock. Vinyle dédicacé à choper. On revient après la pub, bougez pas. Comme toi, Dinos a choisi Planet Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. C'est Planet Rap avec Dinos Punchlinovic. Il est là avec nous tous les soirs de la semaine, entre 20 et 21 et pour la dernière ce soir. Pas louper. Dinos, je crois que nous avons la réponse à la question que tu as posée il y a quelques secondes, juste avant la pub. D'accord. Quel a été le dernier clip qui a été balancé? On a quelqu'un? Fab, c'est bon? Allô? Allô? Oui, c'est qui? Jérémy. Jérémy, comment Jérémy, ça va? Jérémy, ça va ou quoi, mon pote? Ça va, tranquille. Je te présente Dinos Punchlinovic. Oui. Oui, ça oui. Ça va bien? Ouais, ça va, Jérémy, et toi? Alors, est-ce que tu as la bonne réponse, Dinos? C'est Jérémy qui a la réponse. Moi, je l'ai déjà la réponse. Oui, la bonne réponse à la question de Dinos, pardon. Voilà. J'ai oublié un truc. En plus, j'ai envoyé le message et je sais plus c'est quoi en plus. C'est pas possible. Oh, alors là, frère. Alors là, il le mérite. Tu mérites carrément le vinyle. Trop fort. Alors la question, on va quand même la reposer. Peut-être que c'est l'émotion qui te fait dire ça. C'est ça. C'est S-A-W et. T'es trop fort, mec. Tu mérites le vinyle, mon S-A-W. Pote. S-A-W. Tu mérites le vinyle, mon pote. Et ça mérite 4 même. C'est ça le truc. Alors attends, la question était la suivante. Quel est le clip, le dernier clip qui est arrivé, les dernières images de Dinos? Donc le nom du morceau et qu'on passe à 20h à chaque fois. C'est ça, frère. Tu vois, tu te foutais de ma gueule. Tu mérites 10 vinyles même. Redis le truc là, comment tu l'as dit? C'est exactement ça. Tu vois que c'est pas si simple en fait ton morceau. Pow. Mais il a mis la bonne réponse en plus. T'as bien épelé le PWAG et en même temps t'arrives plus à dire. Voilà. C'est l'émotion, Jérémy. C'est pas grave, mon pote, tu repars quand même avec les vinyles. Ça, je suis pas sûr. Ils sont pas dédicacés, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ma maman. Ah, c'est maman. Bonjour. 1500 euros, moi. Ah, maman veut 1500 euros. Non, c'est pas pour les 1500, maman. Faut lui dire, c'est le matin chez Diffoul entre 6h et 9h. C'est le matin entre 6h et 9h. Maman. Enfin, le matin. Tiens, écoute. Bon, là, on avait. Ouais. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va? Faut rappeler Diffoul pour avoir les 1500 euros. Voilà, 6h-9h. Je sais pas. En fait, vous êtes tous sympas. Ah bah sympa, merci. Bah merci. Merci madame. Merci. C'était vraiment Jérémy. Merci à toi Jérémy. Merci aussi à toi. Merci Jérémy d'avoir appelé. Voilà, d'avoir filé vraiment la bonne réponse. Et t'auras tes vinyles. Vinyle dédicacé. Bon, on va mettre un morceau. Tiens, alors le morceau, tu vas pas nous dire ce que c'est, mais. En fait, le truc, c'est raconte un peu justement. C'est un morceau que j'ai écrit lorsque j'avais 15 ans, tu vois. Et c'est en référence au morceau Paradis, Rue du Paradis de Cynic. Mm-hmm. Et en fait, je l'écoutais souvent ce morceau. Et c'était un dimanche, je l'ai écouté en me disant. Elle est belle cette histoire, mais je suis sûr que je peux faire la même et tu sais dans le même délire, tu vois, et ça m'inspirait vraiment. Et c'est dire que j'ai commencé à écrire et pendant ces cinq années, je l'ai gardé le morceau et on n'en a jamais rien fait. Et au final, lorsqu'on est parti au Luxembourg chez CHI pour taffer 2014, il m'a fait écouter le sample, tout ça, et j'ai kiffé et j'ai adapté mon texte à sa prod. Donc, et ben voilà. On le balance maintenant, on le découvre. Exactement. Allez, c'est parti maintenant sur Skyrock. Dinos Punchlinovic, c'est sur Apparence le P. Yeah. Quand tu liras cette lettre, je ne serai plus de ce monde. C'est drôle comme tu peux basculer en deux secondes. Noir était mes nuits, jaune était mon rire. J'ai sûrement tort de mourir, mais dans le fond je n'ai pas de raison de vivre. J'suis conscient qu'à cause de moi, toute la famille saigne. J'suis mal dans ma peau, comme un gosse qu'à la varicelle. Je broyais par la tempête, à défaut de tomber dans la cocaïne. Tu sais, j'ai pris la poudre des scampettes. C'est si dur à croire. J'ai de mauvais poils, à force de faire le funambule sur le fil du rasoir. Dans l'œil du cyclone, ils me disent que le savoir est une arme. J'peux pas braquer la banque avec mes diplômes. Lis cette lettre à mes funérailles. J'irai sûrement au paradis, parce que l'enfer, j'y suis déjà. Ouais. Sachez que dans ma vie, le mal a pris l'ascendant. J'aime ouvrir les veines, mais y'a pas de quoi se faire un sang d'encre. Non, parce qu'on se reverra là-haut, yo. J'pense qu'on se reverra là-haut, yo. Ouais, on se reverra là-haut. J'espère qu'on se reverra là-haut, yo. On se reverra là-haut, yo. J'espère qu'on se reverra là-haut, yo. Ouais, on se reverra là. On se reverra là-haut. Ça fait déjà 3 mois qu'on t'a enterré. Tu sais, j'ai eu le bac, maman a pleuré. Mais ton absence bastonne mon cœur. Je me sens demi-mort comme l'ex d'Ashton Kutcher. Les meilleurs packs en premier. J'écris ces lignes en espérant que tu ne prennes pas la peine capitale au jugement dernier. Ici rien n'a changé, des paraboles à chaque fenêtre. À part ça, ton ex t'a remplacé avec un vieux mec. T'es parti comme un voleur, tu nous laisses sans plan. Tous les jours je souris mais je fais semblant. La nuit je regarde le ciel oubliant que je suis en plein deuil. À chaque étoile qui brille je me dis que c'est toi qui me fais un clin d'œil. Tu me manques frérot, et pas qu'à moi frérot. Maman pleure et prie tous les soirs frérot. Et puis on se dit que t'es au paradis et que ta fin est belle. En espérant qu'il n'y ait pas d'ortie dans le jardin des têtes. Non, parce qu'on te rejoindra là-haut, ya. On te rejoindra là-haut, ya. J'espère qu'on te rejoindra là-haut, ya. Rejoindra là-haut, ya. Rejoindra là-haut, ya. Rejoindra là-haut, ya. Rejoindra là-haut. J'ai du mal à me faire à l'idée que t'es parti éternellement. Maintenant tu sais pourquoi je tire une gueule d'enterrement. Une morale fissurée comme un pare-brise. Certains disent que la vie coûte cher et moi j'ai qu'elle n'a pas de prix. J'ai du mal à me faire à l'idée que t'es parti éternellement. Maintenant tu sais pourquoi je tire une gueule d'enterrement. Une morale fissurée comme un pare-brise. Certains disent que la vie coûte cher et moi j'ai qu'elle n'a pas de prix. Yeah. Maintenant tu sais pourquoi je tire une gueule d'enterrement. Maintenant tu sais pourquoi je tire une gueule d'enterrement. Yo, j'suis pas un rappeur, j'suis Dino Sponshine No Rich. C'est Hachi, négro. Hey. Gia. Hey. C'est extrait du EP Apparence à l'instant, Dino Sponshlinovich. Exactement. Gros morceau sur le EP Apparence, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Planète Rap, ça continue avec Medica de Tourcoing. Salut Medica. Salut, salut. Avant de passer au live, c'est toi qui viens faire le freestyle par téléphone. Ouais, ouais. Tu es prêt? Ouais, prêt parfaitement. Eh ben on y va, c'est parti tout de suite. Ok. Medic. J'ai des cernes plus grosses que ma tête normale, c'est parce que je dors jamais. J'ai toujours rêvé d'être en fait tous les traits, je vais les flinguer. Ça y est, je suis à bout et je vais tous vous fumer. Sachez que l'enculeur ne se fait jamais enculer. Mais tu veux y faire? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans mon caleçon, c'est encore plus gros que la tour de piste. Bon, je me vante pas, je suis encore loin de ça. J'ai même pas encore percé comme c'est déjà des lèvres. Une fois tout va mal, puis une fois tout va bien. L'autre fois t'avales, puis l'autre fois tu te prends des coups de rein. Triste réalité, hein, combien de personnes s'en sortent pas. Si ça continue comme ça, combien se jetteront d'un toit. J'ai craint de la concurrence comme une cigarette dans son billet. Ici y'a pas de cendrillon, car l'amour n'est pas scintillant. Mais c'est la vie, voyons petit, tu croyais quoi. C'est pas aussi facile comme les meufs, la Jonquera. 5 tailles de Jack D, c'est normal. Je viens du 5-9 et quand je rappe, ça fait mal. Et je kiffe ça quand je ris, mais tu kiffes ça quand je te pine. Tu me demandes à Karim, je vis tout, jour dans le mille. Ok, médical, instant de Tourcoing en freestyle. Tiens. Eh ben merci à toi, mon pote. Y a moyen de faire une petite dédie? Vas-y, vas-y, on t'écoute. Bah, je fais une dédie à mon amour, déjà. Ensuite, à ma mère, à mon père, ceux qui m'écoutent, ceux qui me reconnaîtront. Et à Karim aussi, mon frère. Eh ben ça roule, merci à toi, Mehdi. Bah, avant de toucher. Passe une bonne soirée sur Skyrock Dinos. Il est grand temps d'attaquer le live maintenant. Ah ouais? Regarde, ils sont prêts, ils sont chauds, ils vont te balancer des instrus que tu... Prenez le micro, prenez le micro. Ils vont te balancer des instrus que tu ne connais pas. Yo, Jazz, c'était bon ou pas? Hein? Jazz, c'était bon ou pas? Ouais, normal. Je t'entends un peu mystique dans le casque. Steph, tu peux me faire un truc déjà à la basse pour voir à quoi ça va ressembler? Alors, attention. Yo, Spark. Ok, tu peux me faire une rythmique, Jazz? Envoie un sample pour voir ce que ça fait. Yeah. Apparence, hey, apparence négro, apparence jazz, apparence négro, apparence jazz, apparence, yeah. J'écris mes textes lorsque la lune apparaît. C'est là que ma plume va parler, parce que la brume la parraine. Non, je n'évacue pas ma haine. Yo, j'ai vaincu ma paresse, mais ça ne changera rien. Ma vie n'est qu'un casse-tête chinois, encore 6 mois. Et je parle mandarin depuis le rap contender. Les gens croient que je suis côté grave. Ils savent pas que je mange au grec avec la thune du côté mage. Moi, je passe des week-ends de barge. Je pète dans l'ascenseur, même quand y'a la voisine du 8ème étage. Je suis qu'un gamin frigole qui s'y vole, passe au mauvais mon. Un adolescent avec des punchlines dans sa pokéball. Votre frère, un gras. Souvent des mauvais gars, mais bon, y'a pas de quoi en faire, hein. Y'a certaines choses qu'on peut me reprocher. J'ai des proches et des projets. Je veux pas viser la lune. Non, ce que je veux, c'est la décrocher. Torcher, écorcher, c'est Porsche, Jeep. On va s'efforcer de vivre, efforcer de vivre. Écorcher, vivre, dire. Envoie notre prod pour voir ce que ça donne. C'est sale, c'est sale. Envoie le... Yeah. Ok. Toujours du mal à trouver la première phase de mon texte. Les pulsations de mon stylo me font l'effet d'un tremblement de terre. À l'heure où j'écris, mon esprit est en décalage. Mon âme n'a pas d'état. Je crois même que je n'ai pas d'état d'âme. Je profite de la vie, bonheur, peine, difficulté. Quand la mort frappe, y'a pas de totem d'immunité. Et à coup sûr, je te dirais, t'inquiète pas pour moi. Mais dans le fond, je me sens mal, je sais même pas pourquoi. Je marche sous la brume. Parfois la vie est bien trop triste, demander à la lune. Comme Gagarine et Indochine. Des envies suicidaires, la reine a son paroxysme. Je suis pas veineux, je reste en vie, je suis trans ma carotide. Je suis un camoji, ramolli, mélancolique. Amoshi, sale cochi, mélancomique. Et tristesse, le bonheur est calcitre. Y'a plus d'espoir, même mon groupe sanguin est négatif. Alors j'avance la tête haut, pupille humide, frère. Il donne pas cher de ma peau comme si j'avais de l'urticaire. Alors je gratte et je m'arrête plus. Souviens-toi que j'ai écrit ça un soir de pleine plume. Éternel recommencement. Tout se répète, la tête dans les nuages. Un cumulus me sert de couvre-chef. Alors je rappe et je m'arrête plus. Souviens-toi que j'ai écrit ça, hein. Quand le soleil ne brille pas et que je suis dépité, je crie. J'ai peur de perdre la main, ne plus débiter de rime. Je vais éviter le pire, méditer et me dire que la vie est belle, ouais. Respirer et rire, hein. Hey yo, c'est ça, un jour tu repars, moi. Je fais des choses que je regrette 30 secondes plus tard. Tous ces instants qui t'obsèdent, lorsque les mots d'amour laissent place aux mots de tête. Lorsque la haine et la rage qui t'habitent te font mettre du Tipex sur les plus belles pages de ta vie. Mais en somme, le pire a été évité. Je pouvais pas décrocher la lune, c'est pour ça que j'ai voulu m'éclipser. Éternel recommencement. Tout se répète, la tête dans les nuages. Un cumulus me sert de couvre-chef. Alors je rappe et je m'arrête plus. Souviens-toi que j'ai écrit ça un soir de pleine plume. Yeah. Un soir de pleine plume.

À l'instant, Dinos Punchlinovic avec quelqu'un de bien. Et c'est donc maintenant, puisque ça y est, Jazz et Steph ont cédé la place à Richie. Richie Beat. Qui est au platine. L'équipe de Capsule Corp également qui vient de nous rejoindre. Yes. On y va pour la suite du freestyle. Richie, tu veux dire quelque chose avant que l'émission, que le freestyle commence? Non, j'ai pas envie. Et bah, ça tombe bien comme. On est un peu à la bourre, ce serait bien d'y aller, messieurs. Vas-y. Session live tout de suite dans Planète Rap. Capsule Corp. Luigi. La base, négro. Mes adeptes attendent mes récits. Je m'accorde aucun répit. 8/7, H25. Dans vos têtes jour et nuit, manque de respect dans mon dos. Mais mon Renoir, tu crois t'es qui? Je fais tes contours au katana. Et je le range dans l'étui. Plus de conversations dans ma tête que dans la vraie vie. Je suis mauvais, je passe mon temps à faire du mal à ceux que j'apprécie. Tous les soirs entre quatre murs, j'y minuméra dur. Tout devient plus facile dans la vie quand on travaille dur. L'authenticité, mon fer de lance. T'es terre comme un braqueur de banque. Je vois personne, je te le répète. Y'a pas de rétro sur un temps, tu me calcules pas, moi non plus. Pas de nouvelles, pas de nouvelles. Pourquoi vouloir changer les gens? On parfume pas les poubelles. Ici personne pense à l'autre. On vit dans un monde de salauds. C'est chacun pour sa peau, négro. Chacun pour sa go, négro. Frappe où tu veux, t'es prévenu quand on s'habitue à la douleur. Au final, on souffre plus. Hey yo, son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Négro, son cul, son code wifi. Mon scénario à chaque visite. Téléphone maison comme itin. Négro, son cul, son code. Son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Même scénario à chaque visite. Téléphone maison comme wifi. Négro, son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Drive by, arrache ta race, bâtard, j'tabasse à gage. Me gratule l'épaule en public. J'ai trop peur de me faire balambala. Balambala. Rap à plein, t'es en concurrence invisible comme le boule de Nicky à 20 ans. Apparence le 14 avril. J'crois que les petits de ma Tessie apprécient. Attendre ma sortie, genre j'suis big avec lui. Ça vend des vies, moi je me contente d'écrire. T'as même pas le brevet des collèges. Comment tu veux comprendre mes rimes? Tire, salope, tire. DJ aussi à son paroxysme. Connaisserait en rap, vont sortir à leur EP 14 chips. 14 chips. Saloperies, enrayer ma paire de Nike. J'dois refaire la carrosserie. Je me lève à l'aube comme si je m'endormais à 3. Si le bif fait grossir, je veux le beurre. Et l'argent du beurre Omega 3. Switch. Tu piques mon son, mon skate check tes lèvres. Ta sœur m'appelle David Guetta. Quand je la prends, 300 BPM. Je suis un prince, c'est le mec tout. Je mange du porc, j'envoie des cœurs à ma clé et je vous baisse tous. T'as jamais vu un fou de la sorte? Écoute d'abord tes tunas comme Susan Boy ou Soulja Boy sous alcool. Mon son tour du parcours vélodrome. Je suis le noir de la Courneuve, le bleu de Paris, le rouge de Bordeaux, le vert de Rome. Rat des villes, tout ce que je touche transforme en or. Pour ça que je te frappe pas si je te mets une droite. T'auras des grilles, hey, son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Son cul, son code wifi. Négro, son cul, son code wifi. Même scénario à chaque visite. Pénéon comme itinégo. Son cul, son code wifi. Son, quoi? Son cul, son code wifi. Ah bon? Richie, tu peux nous mettre une nouvelle vidéo? Jia, on voit cette chose. Yo. Luigi, c'est la base, négro. Sur le boulevard, et c'est double C sur le boulevard. Juste moi et ma raclie sur le boulevard. On dépense du bif sur le boulevard. Juste moi et ma raclie sur le boulevard. Où ça? Et c'est double C sur le boulevard. Où ça? Sur le boulevard. Sur le boulevard. Elle brille telle une déesse, souvent arrêtée pour excès de finesse. Ils auront tout essayé. Elle peut serrer tout le monde, mais personne ne peut la serrer. Ah merde, une vraie maladie. Faut qu'elle devienne maraclie. J'ai maté son boule, j'ai tout de suite compris qu'on serait pas amis. Faut que le septième ciel, gros je vais la monter au paradis. Gros c'est mon côté, El Charaoui. Puis je l'insulte dans un morceau. Des charmants, elle me fait des appels de phare. Fais se lever mon chapement. Ok, vas-y, dis-nous, s'enchaîne. Ok, bébé, bébé, non. Ne le prends pas pour toi. Non. Ne le prends pas pour toi. Parfois non. J'aime rester seul sur PlayStation. Écrire tard le soir. Demain je te banderai les yeux genre Cola Maya. Tu seras plus séduisante quand tu me feras des pas de carbonara. En attendant, laisse-moi écrire un tas de poèmes dans une atmosphère pesante. Tu sais, la vie ne serait pas si belle si je n'avais pas de problème. N'en faisons pas tout un plat. Je resterai sous mon drap. Je rêverais d'être l'homme de Vitruve pour oublier que le bonheur coûte un bras. Juste qu'il est fuir et quitter cette vie oppressante. Docteur, soigner mon hémorragie, que je me fasse plus de mauvais sang. Wow. Mon marchand de sable se prend pour Gara. J'ai de quoi flipper pour avoir une vie longue. Dois-je mettre le Sahara dans le sablier? Devenir un bad boy comme les Gigi. Dans le précipice, sans argent, peur de mourir, fauché comme les Gigi. Je sais qu'hier j'étais joyeux, qu'aujourd'hui j'ai l'air d'un gros rêveur. Je crois que je suis lunatique parce que j'ai peur qu'on porte le mauvais air. C'est le côté fragile un peu, il y en a pas eu dans l'émission. Ça repart tout de suite. Dieu. Hey. Hey. Yo. Ouija, c'est la base, négro. Tiens. Yeah. On m'a dit que rapper c'est pas si facile. Pourtant quand je suis dans la cabine je pose que des classiques. Magique. Tu pars la relève, je suis la base, toi t'es juste quasi basique. Mon Luigi vas-y vas-y, sans hésiter tremper leur visage dans une bassine d'acide. Et je suis devenu antipathique à force de me fier aux hommes. Et t'es devenu contorsionniste à force de te plier. Je raconte direct de l'Asie. Dinguerie sur dinguerie. Sur scène je suis toujours chargé. J'ai toujours ma batterie. Bang bang bang, c'est bien fait. Je peux pas taper dans la C, elle m'a rien fait. Ils font tout pour les Qataris. Ils lèchent des boules mais gare au carré. T'attends la venue de Zlatan pour sortir ton maillot de Paris. Vieux mec, je veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la beurrette. La vie est ainsi faite. Si tes négros sont dans le building, les miens sont architectes. Biatch. Tu rebats le bras. Je compte sur toi pour envoyer cette salve. Oui, tu sais que je les ai. Je sais que t'as cette salve, mec. Envoie-nous ce truc. Envoie-nous ce truc, Richie. Hey. Hey. Boulbi. Debout. Boulbi. Tu connais. Tu sais d'où je viens. Pépinière du rap. Boulogne-Billancourt. À part sur iTunes. Ouais, sous Sway, ça dit quoi? Apparence. Ahmed Adem. Porsche Panamera, Porsche Panamera. Y a deux secondes, des baisers pas elle est en grand écart latéral. Ouais. C'est drôle à chaque fois qu'ils pensent que je sais plus Pera. Comment? Je leur fais trois trous de balles, ils ont le cul en etc. Merde. Le rap, ma monnaie, ma mère. Le rap, ma monnaie, ma mère. Je fais plus de punchline, comprenez les mecs. J'en ai marre de marcher sur des mollets. Implacable, m'attaque pas. En 4-4-2, sont les cadavres. Tu parles mal, rap, parle de castagne, castagne, tienne. Tu veux casper en 4 draps. Tu ris, Falboa, c'est le sobriquet. Comment je les trouve soft au micro. Je suis sobriqué. Le savoir est une arme, mais faut pas charrier. J'arrange la biblio, t'es clair. Et je fonce la murier. Super billard, ta gueule t'es moche billard. T'es mort, t'es genre inapte. Ta gueule t'es dans le décor billard. C'est pour vous le vide, pour LTHS. Pas pour capsule corps. Et après j'abrège les souffrances de l'instrument sage. Les laisse en chien que l'iceberg vient. Je le sais. Hey yo, on est presque à la fin de ce putain de Planète Rap. Et je pense qu'on va le terminer en beauté. Ruska Pow, sorti il y a quelques jours. Yo, Jir, apparence. Check. Je veux une meuf avec la tête à Shakira. Je veux une meuf avec la schneck d'Asakira. Quand j'arrive c'est l'explosion comme si j'étais un corps. Je termine mes phases par des tchut comme si j'étais le boss. 9000 sans peur, je t'explique, t'es pas dans l'objectif. Comme le selfie de Stevie Wonder. Tous les jours à la cour neuf croise ma silhouette. Renoir je connais le béton comme si je m'appelais Miguel. Miguel faut que j'arrête de chiller, que je fasse une transition. Je suis pas parti au casse-pipe depuis ma circoncision. Si j'apparais dans ton clip, négro, gros, c'est un placement de produit. 99 problèmes, ici s'appelle Rick Rutin. Ah gars, j'emmène ta meuf en week-end, genre ça arrase. Elle décroche pas de vendredi à dimanche. T'as cru qu'elle faisait Shabbat. Elle kiffe quand je lui tire les cheveux, détonne pas. Je la mets dans la chambre 36, j'ai la méthode, man. Pareil que j'ai pas rappé, nique sa mère à la pute. Pareil que j'ai pas de flow, nique sa mère à la pute. J'espère que tu vas taire, tu dis que tu fais tout ce qui te passe par la tête. Si je te tire une balle dans le crâne, qu'est-ce que tu vas faire? Bingo. J'ai rien oublié de m'approcher plus maintenant. Va dire à Bang BD, chez nous la haine. Ça dure pas 3 ans, Dino c'est pas terrible, Dino ça marchera pas. Maintenant veulent tous me teaser, c'est trop tard, j'ai déjà chez Kras. Tu respecteras mes fers, retourne chez l'ophtalmo quand tu me regardes de travers, tu fais même pas exprès. Ouais. 93, 120 sur ma ville, je me vide sur le FN pour faire de la plongée sous-marine. Yo, apparence négro, apparence. Et tu vois, je tape cette démarche de chapeau dans la rue comme ça. Apparence négro, apparence. Au fait, je m'en bats les couilles de plaire aux rappeurs. Ils achèteront pas mes disques. Ils pensent encore qu'un morceau de 6 minutes c'est forcément un classique. Ils voulaient rapper pour maquer des putes, finissent avec des bons de réduction pour acheter des vues. Quel fléau. Est-ce que ça me portera chance si je marche sur ton scud avec mon pied gauche? Négro, t'as écouté, t'es fuck ce truc, t'en as pris plein les dents. Yo, ils comprennent pas mes textes, j'ai la plume d'un médecin traitant. Aga, je rappe en argotal, faut flaque d'eau. Je vais le contrat de Ronaldo, je pars en taco, ça à Monaco. Je t'arrête au tago, je suis en live au Maldo, crâle au salon. Fils, invite mon fils, si t'es sadomaso. Chis, je suis un Beatle, je veux la vie de Lennon. Désolé chérie, je connais pas les meufs qui crient en si bémol. Agite-toi en fait, on s'applique en tant que fait, yo. T'es à belle, je suis qu'un. Ça dit quoi mon frère? C'était la session live dans Planète Rap. Merci à vous messieurs. Gros live qu'on pourra retrouver en image sur le planeterap.skyrock.com. Juste avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette. Ok. Skyrock t'offre le spectacle de Nawel Madani dans toute la France. Sonia de Clermont-Ferrand, comment ça va Sonia? Ça va et toi? Ça va Sonia? Bienvenue oui, dans ce Planète Rap. Aga. Merci. Sonia, j'ai un truc pour toi ce soir. C'est la dernière. Donc pour gagner ton putain, tes putains de places, tu vas pas dire stop, tu vas dire Aga. Aga. Aga. Voilà, allez, on t'écoute Sonia, c'est parti. Aga. Ça tourne, alors, ça roule dès que voix. Tu veux. Pas mal, bien tenté. Ah bon, t'as gagné. Oh, yeah, c'est bon, c'est la collègue en plus de Dino. Chez Def Jam Comedy, Nawel Madani. Il y a deux places pour toi pour Montpellier. C'est deux places qu'on te file, Sonia. Ah bah merci, c'est trop cool. Et bah, passe une belle soirée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci Dinos pour la semaine. Merci à vous, Fred. L'équipe de Capsule. Merci à la radio pour la semaine. Merci à toute l'équipe, tous les régisseurs, tous les mecs qui sont dans les bureaux, je vous vois. Merci à tous. Et merci à toi, Fred. Plein de bonnes choses pour la suite. Il y a toujours le EP Apparence qui est digitalement dans toujours les packs. Toujours là. @punchydino sur Skyrock. Merci à tous ceux qui ont suivi l'émission. Ça sera avec plaisir que je reviendrai à la radio. Et bah, avec grand plaisir. Présenter un nouveau projet. Donc voilà. Merci à tous ceux qui étaient là. Donc voilà quoi. Merci à Richie qui a balancé les prods. À Jazz et à Steph. Et à tous les négros qui étaient là. À toute l'équipe d'Avjab. Petite dédicace à passer. Ouais, je voulais juste remercier déjà Dinos de nous avoir invités. Voilà, la Capsule Corp est toujours présente. Et donc voilà, dédicace à ma ville, Boulogne-Billancourt. Bien sûr. Et bien ouais, apparemment. Dazzy, mon maillot liqueur, le projet. Merci à vous tous. On va retrouver Difool maintenant sur Skyrock. Et oui, Fred, on est là. Yes. Vendredi soir, la spéciale qui démarre dans un instant. Grosse soirée, assez exceptionnelle, comme chaque vendredi d'ailleurs. Comme toujours. Ah, exactement. Marie est déjà prête. Ouais, je suis bourré. Je suis toujours à l'écoute. Elle a mis des bottes de cuir, Marie, ce soir. Exactement. Une raison de plus pour rester avec nous. On arrive tout de suite sur Skyrock et Fred, le retour pour la nocturne tout à l'heure, juste après la radio libre. Ouais. À pas louper. Le bonheur tient en un mot.